De leur côté, les assaillants anglais et écossais ont bon moral, et sur l'ordre de Malcolm, neveu du général Seward, ils s'avancent dans la plaine en portant chacun une branche d'armes. Alors que Macbeth vient d'ordonner de déployer ses bannières sur les murs du château, il entend des cris, et on vient lui annoncer la mort de la reine, son épouse. Elle aurait dû mourir plus tard. Le moment serait toujours venu de dire ce mot-là. Demain, puis demain, puis demain, glisse à petits pas de jour en jour jusqu'à la dernière syllabe du registre des temps. Et tous nos hier n'ont fait qu'éclairer pour des fous le chemin de la mort poudreuse. Éteins-toi, éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. Entre un messager. Tu viens ? Pour user ta langue ? Ton compte, vite ! Mon gracieux seigneur, je voudrais vous rapporter ce que j'affirme avoir vu, mais je ne sais comment faire. Eh bien, parlez, monsieur. Comme je montais ma garde sur la colline, j'ai regardé du côté de Bernheim, et tout à coup, il m'a semblé que la forêt se mettait en mouvement. Macbeth le frappant. Misérable menteur ! Que j'endure votre courroux, si cela n'est pas vrai. Vous pouvez, à 3 000 d'ici, la voir qui arrive. Je le répète, c'est un bois mouvant. Si ton rapport est faux, je te ferai pendre vivant au premier arbre, jusqu'à ce que la faim te racornisse. S'il est sincère, je me soucie peu que tu m'en fasses autant. Je rétracte ma résolution, et je commence à soupçonner l'équivoque du démon, qui ment en disant vrai. Il disait, ne crains rien, jusqu'à ce que la forêt de Bernheim marche sur Dunsinane. Et voici que la forêt marche vers Dunsinane. Aux armes, et sortons. C'est ce qu'il a le film réel, nul moyen de fuir d'ici ni de demeurer. Je commence à être las du soleil, et je voudrais que l'empire du monde fût anéanti en ce moment. Qu'on sonne la cloche d'alarme. Vent, souffle, viens, destruction. Nous mourrons, du moins, le harnais sur le dos.